troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des jeunes filles. Ce matin, émission d'archives sur le contrôle du corps des jeunes filles au XIXe siècle. Après avoir évoqué lundi la vie des jeunes filles dans l'Anjou des années 1920-1950, mais aussi la question du nom de jeune fille ou du nom de femme mariée, puis hier écouter le très beau documentaire que je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter si vous ne l'avez pas encore fait, sur la jeune Lily Epstein, assassinée à Auschwitz et redécouverte récemment par sa ville natale, Mulhouse. Et avant demain de nous intéresser aux filles rebelles du XXe siècle, nous allons nous demander ce matin qui et comment on a tenté de contrôler au XIXe siècle le corps des jeunes filles, avec Séverine Yattard qui a préparé toute cette série avec nous, avec des textes qui sont lus par Elsa Dupuis et qui seront commentés par nos deux invités. Pauline Mortas, elle est étudiante à l'ENS à l'École Normale Supérieure, agrégée d'histoire et lauréate du prix Mnémosyne, l'histoire des femmes et du genre sur la défloration au XIXe siècle, un texte publié aux presses universitaires de Rennes cette année sous le titre Une rose épineuse. Et nous avons également avec nous la chance d'avoir Caroline Muller, elle est docteure en histoire contemporaine, elle est professeure agrégée et enseignante à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Elle est auteure d'une thèse qu'elle a tout juste soutenue, c'était il y a 3 semaines maintenant, une thèse sur les directeurs de conscience au XIXe siècle. J'ai éprouvé un trouble inexprimable le premier moment où je me suis trouvée seule avec lui dans la voiture. La certitude d'être aimée de lui, la connaissance de sa délicatesse et surtout les assurances réitérées qu'il me donna que je serais toujours maîtresse de moi et de lui, que ses droits ne seraient que ceux d'un amant tendre et aimé, qu'il n'en réclamerait jamais d'autre, toutes ces assurances me remirent assez bien. Mais mon émotion fut plus forte que jamais lorsque j'entrai dans sa chambre. Je fus vraiment touchée des petites recherches qui semblaient faire de ce jour de fête. Il en eût été un pour moi sans l'embarras inséparable qui l'accompagnait. La joie de Brognard, qu'il m'exprimait d'une manière si délicate et si aimable, était seule capable de me faire cacher cette émotion qui aurait pu la troubler. Il avait préparé un charmant petit goûter auquel je n'eus assurément nulle envie de toucher. Mon Dieu, comment peut-on se résoudre à se donner à un être que l'on aime ou du moins que l'on ne connaît pas assez pour qu'il possède toutes vos affections ? Ces moments d'émotion, d'embarras doivent être changés alors en des moments de désespoir et d'horreur. Je conçois moins que jamais le mariage de connaissance. Rien au monde ne peut dédommager des sacrifices que l'on fait à un mari, si ce n'est la tendresse la plus vive, la certitude de le rendre heureux et de s'acquérir des droits à sa reconnaissance. Ces assurances seules peuvent donner le courage et la force nécessaires dans ces premiers moments qui sont si pénibles, même lorsque l'on épouse l'homme que l'on chérit le plus tendrement. Voilà donc pour ce premier texte de cette émission d'archives de mercredi, donc lu par Elsa Dupuis. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour à vous Caroline Muller. Bonjour. Et bonjour à vous Pauline Mortas. C'est vous qui nous avez proposé ce texte tiré des journaux de Cécile Coquebert et Alexandre Brognard, un texte du tout début du 19e siècle. On a décidé de commencer par le début du 19e siècle, c'est peut-être un peu classique, mais commençons par là. Et ce texte est un magnifique texte, évidemment, qui évoque cette rencontre et cette peur de la défloration, qui sera celle aussi de beaucoup de jeunes filles qui, tout au long du 19e siècle, vont se poser la question de comment cela peut se passer. Tout à fait. C'est pour nous une source qui est vraiment très rare, puisque c'est ces jeunes filles qui évoquent véritablement, bon, alors avec toutes les périphrases et toutes les délicatesses de langage, ce moment qui est crucial dans leur vie, qui est érigé en un moment crucial aussi par les sources médicales. Et c'est plus qu'une peur de la défloration, c'est véritablement une angoisse, parce que pour la plupart de ces jeunes filles, elles n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. En fait, le silence sur ce qui se passe pendant la nuit de noces est vraiment quelque chose de très important. Et on voit à son témoignage que son ignorance est totale, en fait, et qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qui se passe pendant la nuit de noces, à savoir ce premier rapport sexuel. Et cela d'ailleurs, c'est ce qui va d'ailleurs conduire notre discussion avec vous et avec Caroline Muller, ainsi que Séverine Yatard. C'est un changement tout au long de ce 19e siècle, parce qu'il ne faut pas penser ce 19e siècle comme une sorte de bloc. Entre 1800 et 1910, mettons, il y a un énorme changement, et vous avez pu le noter vous-même, Caroline Muller, travaillant sur les directeurs de conscience au 19e siècle. Oui, alors j'ai travaillé avec des correspondances, mais aussi un certain nombre de journaux personnels. Et ce qui était très intéressant, donc, quand j'ai lu les textes proposés par Pauline, c'est que moi, sur les années 50-80, en fait, j'ai aucun récit ni même d'évocation de nuit de noces dans les journaux des jeunes femmes. Donc ce qui me fait dire que le silence s'épaissit, en fait, à mon avis, à partir des années 50. Et c'est aussi le propos... 1850. Oui, 1850, pardon. C'est aussi le propos de Gabriel Houbre, qui a étudié l'éducation sentimentale des jeunes gens au 19e siècle. Et donc on parle moins encore, à mon avis, à partir des années 1850-60. Et ce qui fait d'ailleurs, à mon avis... que les contestations émergent dans le dernier tiers. C'est-à-dire qu'à partir du dernier tiers, on va voir la contestation de ce silence parce qu'on prend conscience de tous les effets que le fait de ne pas parler peut avoir sur la vie des couples, en fait. Séverine Yatard. Les deux, vous êtes deux jeunes chercheuses. Hein, parce que vous, Caroline Muller, vous venez tenir vos thèses, vous pas encore, Pauline Mortas, mais vous évoquiez Gabriel Houbre. Alors, ce sujet de la sexualité des jeunes filles, le corps des jeunes filles, les premières recherches... moi, je me souviens de ce numéro de Clio, hein, Le temps des jeunes filles, 96, justement dirigé par Gabriel Houbre. 1996. Hein, 1996. Et puis, qui avait donné suite aussi à une autre publication, Le corps des jeunes filles, hein, dirigé par voilà, Gabriel Houbre aussi, mais Christiane Clapy-Joubert, Pauline Schmitz-Pantel, voilà, qui faisait une étude comme ça de l'Antiquité à nos jours. Alors vous... Vous renouvelez aussi ces approches, cette problématique. Alors, peut-être vous, Pauline Mortas, alors sur la question de l'efforation, rien vraiment n'avait été fait de manière approfondie. Et vous attaquez au sujet en travaillant sur, justement, on l'a déjà évoqué, là, nous avons parlé des journaux, en traitant de plusieurs discours. Il y a le discours médical, il y a le discours religieux, il y a le discours moral, il y a le discours littéraire, pornographique. Et puis, il y a ces journaux de jeunes filles qui nous apprennent beaucoup sur, non pas la représentation qu'on a de cette défloration et de la question de la sexualité de la nuit de noces, mais sur un vécu, tout en périphrase, hein, bien sûr, mais quand même. Pauline Mortas. Oui, en effet. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment très important quand j'ai abordé ce sujet, de vraiment mobiliser un maximum de sources pour pouvoir appréhender à la fois... Tout ce contrôle, tous ces discours normatifs qui s'exercent sur la chose. Et au départ, dans mon idée, et aussi parce que c'est difficile de trouver des sources sur les pratiques, j'étais partie sur, en première année de recherche, vraiment l'étude de ces discours et des représentations de la défloration. Et ça m'a paru vraiment essentiel. Enfin, au moment, j'ai eu besoin, effectivement, de confronter ça avec la question des pratiques et de chercher ces sources. Oui, et vous faites d'une certaine façon mentir un de ceux qui s'est intéressé à tous ces discours depuis longtemps, à savoir Alain Corbin, qui à ce micro, il y a plusieurs années, nous disait à chaque fois il y a quelque chose qu'on ne saura jamais, c'est ce qui se passe comme pratique dans la chambre à coucher. Eh bien oui, on finit par le savoir quand on va, comme vous, chercher Pauline Mortas ou comme vous, Caroline Muller, la façon dont on peut savoir quelle est la pratique sexuelle, par exemple, des jeunes filles au 19e siècle. Effectivement, on peut trouver des traces de ça avec tout le problème de la représentativité de ces sources qui est vraiment problématique, mais on peut en trouver des traces, oui. Et vous êtes allé chercher dans une source qui était, elle non plus, assez peu regardée par les autres historiens et historiennes, les correspondances entre les directeurs de conscience au XIXe siècle et leurs protégés, alors au masculin, et au féminin aussi, celles et ceux qu'ils dirigent en l'occurrence, mais beaucoup de jeunes femmes et de femmes sont dirigées par des directeurs de conscience qui leur conseillent les attitudes à avoir, en particulier, mais pas simplement, en matière sexuelle, parce que ça peut tourner autour de la vie quotidienne, de est-ce qu'il faut acheter ou vendre tel ou tel bien, mais il y a aussi la question sexuelle qui est au cœur de cela, Caroline Muller. Oui, alors effectivement, j'ai essayé de mener ce travail d'archéologie pour aller plonger dans des fonds inexplorés et trouver ces lettres. Puisque moi, quand j'ai commencé ma recherche, tout le monde m'a dit mais il n'y a pas de source, c'est pas la peine d'essayer de chercher. Parce que ces documents sont censés avoir été détruits. D'abord, il ne devait pas y avoir de lettres entre directeur de conscience et dirigé. Voilà. Il y en a eu, et beaucoup. Vous les avez trouvés. Et par ailleurs, souvent, les familles ou les personnes elles-mêmes détruisaient ces lettres parce qu'elles disaient trop de l'intimité de chacune et de chacun. Et néanmoins, il en reste. Il en reste, et la question de la sexualité et de la régulation de la sexualité, notamment entre les couples, c'est un enjeu absolument, absolument central, puisque chaque fois qu'il y a un conflit dans le couple sur l'usage de le juste usage de la sexualité, on va consulter le confesseur ou le directeur de conscience, qui est en fait un interlocuteur idéal parce que on sait qu'en théorie, ce qu'on lui dit ne sortira pas de l'échange, puisque c'est protégé par le secret spirituel. Mmh. Donc on va décrire souvent, très concrètement, ce que le mari fait ou pas, ce qui est gênant ou pas, les rythmes, et y compris de la sexualité solitaire, puisque, par exemple, dans le cas d'Antoine Manilev, tout début 20e, moi j'ai la correspondance 1900-1920, eh bien il tient un registre à son directeur de conscience de ses pratiques solitaires, de la masturbation, qu'il appelle son triste défaut. Alors, vous avez trouvé aussi, comme d'ailleurs Pauline Mortas, des journaux, le journal personnel de Louise Lafargue, par exemple, qui est conservé dans un endroit qu'il faut conseiller à tous nos auditeurs, l'APA, donc à Ambérieu-en-Bugey, fondé à la demande et par l'initiative de Philippe Lejeune, grand spécialiste de l'autobiographie, l'association pour l'autobiographie, et ce journal date de 1871, il nous est lu par Elsa Dupuis. Samedi soir, 8 juillet 1871. Je viens d'avoir un grand moment de trouble et c'est encore ce pauvre Louis qui en est cause. Tout à l'heure, je lui ai dit que j'ai été me confesser cet après-midi. Ses yeux se sont fixés sur moi et il m'a demandé « Avez-vous dit à votre confesseur que je vous ai embrassé avant-hier ?» Ces mots m'ont fait froid au cœur. « M'avez-vous vraiment embrassé ?» ai-je dit. « Mais oui, avant-hier soir. » J'ai baissé les yeux et je suis devenue triste et rêveuse. C'était donc vrai. Je me souviens qu'avant-hier, je l'accompagnais dans le vestibule pour prendre ma capeline. Il m'entoura de ses bras et posa ses lèvres sur mon épaule. Je sentis bien qu'elles effleuraient mon cou. J'ai été contrariée et je me suis éloignée aussitôt. Tout en me fiant à sa promesse, je croyais fermement qu'il ne l'avait pas fait exprès. Et le moment passé, je n'y ai plus pensé et je n'ai pas songé à en parler à maman et à Monsieur Buchon. Sa demande m'a bouleversée. Il l'a donc fait exprès, et il a cru que je l'approuvais, que je permettais. J'étais si tourmentée, et pour lui, et pour moi, que mon trouble paraissait au dehors et qu'il essayait en vain de me rassurer. « Ma petite Louise, disait-il, allez demain chez l'abbé Buchon. Il vous consolera, vous rassurera, allez-y, ma petite loulou. » Il me demandait pardon avec un air si tendre que je n'ai pas été longue à le regarder avec mes yeux ordinaires. Et cependant, je restais triste, car je voulais qu'il ait un peu plus de retenue. Mon cher Louis a voulu parler de cela à maman en partant. Il lui a confessé son crime. Cette bonne mère ne s'est pas trop fâchée. Elle l'a grondé d'avoir agi sans permission. Il a renouvelé sa promesse que pareille chose ne se renouvellera pas. Je veux le croire, mais je n'y compte guère. J'ai été un peu imprudente de me confier à lui. Je vais être plus réservée à l'avenir. Nous ne resterons plus seuls ensemble. Je serai plus sérieuse. Pourtant, il me coûte déjà de ne pas répondre plus affectueusement au témoignage de son expansive tendresse. J'aurai bien à lui dire, bien à lui exprimer quand il sera mon mari. Alors cet extrait, ce journal, Caroline Muller, il est assez important dans la mesure où Louise, je crois, l'a commencé à 13 ans. Oui. Et va le continuer. Et donc, vous l'étudiez, c'est un des journaux que vous étudiez, entre autres, pour montrer comment s'élabore, en fait, l'appréhension, la représentation de cette nuit de noces au cours du temps, c'est-à-dire de l'âge de 13 ans jusqu'au temps des fiançailles. Et donc, il y a tout un processus de pensée, de représentation de la jeune fille qui peut... qu'on peut percevoir à travers justement la lecture de ce journal. Et là, on est 1871. Louise va va se fiancer, bientôt. Alors là, elle y est déjà, ouais. Parce que si on l'autorise à rester avec, avec Louis, ça veut dire que tout le monde est déjà d'accord, hein, sur ce qui va se produire. Voilà, et en fait, ce qui est très très difficile, à mon avis, dans ce moment-là, entre le moment où justement tout le monde est d'accord sur les fiançailles et le futur mariage et le mariage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle préétablie sur la manière dont on doit être proche ou pas de l'autre. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire. Voilà, exactement. C'est-à-dire que pour tout ce qui est temps régulier, on a toutes sortes de manuels, on a la mère, on a le confesseur, on a énormément de discours qui disent précisément les limites, les attitudes, les comportements à adopter vis-à-vis des autres et notamment des hommes. Mais sur ce temps-là, qui peut durer parfois jusqu'à 2 ans, on n'a pas de règle préétablie qui définit à quelle distance, quelle est la juste distance qu'on doit mettre entre soi et son futur mari. Donc c'est des temps assez angoissants pour les jeunes femmes, pour ce que j'en ai lu. En tous les cas, cependant, Louise a une sœur. Ce qui n'est pas là pour la rassurer parce que ça se passe pas très parce que bien. Ça se passe pas très bien parce que vous parlez de ça d'ailleurs toutes les deux. On peut acquérir quand on est jeune fille puisqu'on nous dit rien puisque la mère ne dit rien. Les manuels de morale ne sont pas destinés aux jeunes filles mais plutôt aux couples installés. Donc on acquiert des demi-savoirs. C'est ça, vous parlez de demi-savoir, c'est-à-dire des bribes d'entendus, d'amis peut-être qui parleront, mais... Dans le cas de Louise, c'est un demi-savoir du malheur, hein, en fait, hein, puisque sa sœur vient régulièrement en visite à la maison avec son mari, c'est un cas de désastre conjugal, hein, puisque à plusieurs reprises, même le père de Louise s'élève contre le comportement d'Alfred, donc le mari de sa sœur. Et alors l'autre chose qui, à mon avis, est importante de préciser, c'est que moi, dans les journaux que j'ai lus, on évite de manière générale de mettre en présence des très jeunes mariés avec des jeunes filles qui ne le sont pas encore. Peut-être pour justement éviter la circulation d'un certain nombre d'informations. Enfin, je sais pas ce Pauline Mortas. Effectivement, oui. Enfin, c'est le cas dans le journal de Cécile Coquebert, dont on a lu un extrait tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est sa sœur ou une cousine qui est plus jeune qu'elle, effectivement, et qu'elle voit quelques jours après ses noces. Et elle mentionne bien le fait que, enfin, qu'il est hors de question de parler de ces choses-là avec la jeune fille. Donc, il y a vraiment une loi du silence absolue sur ces questions. D'autant que ce mariage d'une amie, par exemple, ou d'une sœur, peut apparaître, Caroline Muller, comme une sorte de déchirement pour la jeune fille qui va rester seule et ne va plus avoir de confidente parce que ce mariage est considéré comme le départ définitif ou la fin d'une amitié. On considère que... Un changement d'état, véritablement, oui, Caroline Muller. Oui, on le voit par exemple dans un autre journal, le journal de Claire Pic, qui est aussi conservé à l'Association pour l'autobiographie. Et en fait, les journaux nous disent que le mariage, c'est la dépossession de soi. Donc, Claire Pic, qui voit son amie se marier, elle écrit « Elle a cessé de s'appartenir ». Donc, effectivement, la jeune fille, c'est encore une personne qui a une certaine liberté d'aller venue, une certaine individualité. La jeune femme mariée a cessé de s'appartenir. C'est-à-dire que la nuit de noces est un véritable passage vers un état dans lequel le rapport à soi est modifié, en fait. Et ce qu'on perçoit juste, pour terminer sur cet exemple de journal, c'est on voit bien la différence aussi entre le garçon et la fille. Le coup affectif, émotionnel éprouvé par Louise Lafargue qui n'a pas l'air d'être celui de Louis, son futur, son fiancé en l'occurrence. Ma petite loulou, t'inquiète pas. Ah oui, alors ça c'est très clair, parce que du coup effectivement on voit la manière dont les jeunes hommes se comportent par le regard des jeunes filles qui écrivent. Mais très clairement, eux, ils ont aucun scrupule à même parfois en plaisanter, c'est-à-dire que là, Louis vis-à-vis de Louise, il s'en amuse. Oui, ma petite loulou, allez en parler au père Buchon. Bon, on sent tout l'amusement en fait hein, du jeune homme. Oui, parce que comme le disait lundi dans notre émission sur les jeunes filles en Anjou, Frédéric Alamrani Boisseau, en l'occurrence, la conquête sexuelle, c'est quelque chose de non seulement toléré, mais voulu pour les jeunes hommes, alors qu'évidemment, cette même conquête sexuelle est considérée comme une déchéance pour la jeune fille, Pauline Mortas. Oui, bien sûr. Et c'est très. Enfin, je voulais juste rebondir sur ce que disait Caroline sur la question du. De cette rupture que constitue le mariage. Ce qui est assez amusant dans les journaux de jeunes filles, c'est que la plupart arrêtent complètement d'écrire à la veille de leurs noces, parfois, pour le reprendre quelques années plus tard, on a quelques cas comme ça de jeunes filles qui disent « Ah, je me remets à écrire ce journal, que de temps ont passé depuis ?» Et donc c'est vraiment une rupture. Et pour revenir à cette question de cette asymétrie totale entre l'éducation sentimentale des jeunes filles, qui est vraiment marquée par l'ignorance, et celle des jeunes hommes, les journaux croisés donc de Cécile Coquebert et Alexandre Brognard en fournissent un bel exemple, je pense, puisqu'on voit à la fois que Alexandre, lui, est un peu déçu de cette nuit de noces qui a tant choqué Cécile. Il dit « Nous dormons peu, cependant, encore plus que je ne m'y attendais. » Donc on voit cette volonté... L'exploit. Oui, c'est ça. La question de l'exploit pour le jeune garçon, j'imagine. Qui joue vraiment, oui, un rôle dans la construction de la virilité, oui. Alors, construction de la virilité, vous en parlez toutes les deux tout au long de ce 19e siècle et participe à cette construction de la virilité, le discours des médecins. Alors, vous avez choisi, en l'occurrence Pauline Murtas, un texte qui date de la fin du 19e siècle puisqu'il a été publié en 1909 de Manuel de l'amour conjugal du docteur Hénon, mais on pourra revenir avec vous sur d'autres types de conseils justement liés à cette question de la sexualité par les docteurs tout au long du 19e siècle. Croire que la virginité conserve la fraîcheur du teint et les divers attraits du corps est une funeste erreur dont les vieilles filles sont les victimes. Une fille qui reste vierge après avoir atteint le développement complet de son physique ne tarde pas à être assaillie d'une foule d'indispositions, d'éruptions cutanées, de vapeurs, etc., mortelles ennemies de sa beauté. Sa fraîcheur décroît, ses charmes se fanent et sa santé s'altère à mesure qu'elle tarde à remplir les vœux de la nature. Au contraire, la femme mariée, surtout celle qui a conçu, puise une nouvelle fraîcheur, une santé brillante dans les plaisirs dont la Vierge est sevrée. Telle jeune fille aux pâles couleurs, aux yeux cernés, languissants, à la démarche chancelante, semblable à la fleur étiolée penchant son front vers la terre. Faute d'une vivifiante caresse, elle a le cœur palpitant. Sa respiration est fréquemment interrompue par des soupirs, ses digestions sont mauvaises, ses appétits bizarres. Mais qu'on la marie, qu'on lui donne le jeune homme qu'elle voit sans cesse dans ses rêves. L'hymen sera pour elle ce beau rayon de soleil qui dissipe le sombre nuage et rend au ciel son riant azur. Alors, les roses renaîtront sur le visage de la jeune fille. Un sang plus riche circulera dans ses veines et lui assurera une santé robuste. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin et Séverine Lignatard qui reçoivent aujourd'hui, avec des textes lus par Elsa Dupuis, Pauline Murtas et auteur de La Rose épineuse, la défloration au XIXe siècle en France, le prix Mnémosyne 2015 publié aux presses universitaires de Rennes, et Caroline Muller qui a travaillé sur les directeurs de conscience au XIXe siècle et la relation de ces directeurs de conscience religieux donc avec ceux ou celles qu'ils dirigeaient. Séverine Lignatard. Et l'homme créa la femme. Vous avez un chapitre intitulé, Pauline Murtas, hein, dans votre bel ouvrage, Une rose épineuse, intitulé de cette manière-là, parce qu'on voit bien dans ce texte la défloration, on parle de l'hymen, le statut de cette jeune fille qui va devenir donc une épouse désormais et évidemment une mère, dépend justement de la pénétration, le jour de la nuit de noces, lors de la nuit de noces, de son mari. Oui. Il y a la question de l'hymen, on va y revenir, qui est extrêmement importante, qui va être complètement construite et élaborée justement par les médecins du 19e siècle. Effectivement, oui. C'est toute cette conception de la défloration comme une véritable métamorphose de la jeune fille en femme, en fait, cette accession à la véritable identité féminine, en quelque sorte, elle est vraiment fondée par cette nouvelle conception de l'hymen comme un vrai signe de virginité et donc... Et la défloration devient donc véritablement une transformation physique. Oui, parce qu'on connaissait depuis le travail de Raphaël Mandressi, il y a maintenant une quinzaine d'années, le regard de l'anatomiste qui avait détaché le clitoris du reste du corps de la femme et qui avait inventé le clitoris. Je crois que c'était au XVIIIe siècle, rappelait Raphaël Mandressi, ou peut-être au début du XIXe même, je ne sais pas. Ou peut-être plus tôt, je ne sais plus. Et donc, vous-même, vous pointé du doigt, et ça c'est un des grands apports de votre travail, Pauline Mortaz, c'est donc la question de l'invention de l'hymen. Effectivement, et c'est quelque chose qui émerge vraiment au tournant du 18e et 19e siècle, avec l'apparition de la médecine clinique qui va, en observant de plus en plus le corps, affirmer cette existence de l'hymen, tout en sachant que le discours est assez nuancé, puisque même si on dit c'est la règle, les jeunes filles vierges ont un hymen et il est déchiré lors de la défloration, tous les médecins mettent en garde sur le fait qu'il peut y avoir toute une foule de fausses apparences, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'une jeune fille peut avoir perdu son hymen pour diverses raisons. Et donc sans il peut y avoir des fausses vierges et puis il peut y avoir des vraies vierges qui... C'est ça, qui n'ont pas les apparences physiques d'une vierge. Et c'est un problème pour les médecins, on sent vraiment une angoisse masculine qui traverse tous ces textes. Comment savoir si elle est vierge? C'est vraiment... C'est vraiment une question qui les travaille, quoi. Oui, parce que la question de la, il y a la question de la virginité comme vertu. Expliquez-vous dans votre travail, Pauline Mortaz. Donc ça, c'est les religieux. C'est les voilà, une vision religieuse. Et puis il y a une question de la virginité physique. Et alors eux, ils s'attellent à cette question-là tout au long du 19e siècle. Et ils vont y réfléchir tout le temps. Effectivement, et on voit dans tout le discours médical jusqu'à la fin de la période que j'étudie qu'on règle pas cette question de la différence entre. Enfin, c'est vraiment entremêlé en permanence ces questions morales et l'apparence physique, c'est vraiment quelque chose dont les médecins ne se détachent pas. Et c'est tellement entremêlé que ces pauvres directeurs de conscience sur lesquels vous travaillez, Caroline Dumuller, ont bien du mal à démêler tous ces fils. D'autant que eux-mêmes, parfois, peuvent être épris de leur diriger et eux, et ne pas savoir comment continuer à faire leur office de maître de conscience, pourrait-on dire, ou maître des âmes, tout en n'étant pas eux-mêmes épris de celles qu'ils sont censés gouverner. Oui, alors, à mon avis, sur ce discours, il faut être assez prudent, puisque maintenant, en histoire du catholicisme, on a beaucoup de monographies qui montrent bien que cette idée du prêtre ou du directeur qui séduit sa pénitente, c'est en fait un motif anticlérical et que ça repose assez peu sur des réalités. Et quelquefois, ça a été d'ailleurs publié dans ces intentions-là. Voilà, on a publié certaines lettres de directeurs de conscience, vraies ou fausses d'ailleurs, caviardées ou pas, pour pouvoir montrer combien l'Église était tartuffe d'une certaine façon. Oui, en entordant le sens, en les réécrivant, etc. Par contre, ce qui est très clair, c'est que sur cette question des informations sur la santé des jeunes filles, la direction de conscience, elle est centrale parce que c'est un moyen dans les élites d'avoir des informations sur l'état des corps. Parce que le corps est un tabou fondamental. Hein. On ne va pas le parler de son corps. Si on prend les journaux de jeunes filles qu'on évoquait tout à l'heure et dont certains ont été lus, on n'a aucune mention. C'est-à-dire qu'on est dans une période de profond changement physiologique et ces jeunes femmes n'abordent leur corps que lorsqu'il est souffrant. Donc par exemple, Claire Pic, la seule mention de ses règles, elle écrit une seule fois « J'aurais préféré partir plus tôt aux eaux pour des raisons qui ne s'écrivent pas. » Voilà. Donc c'est la manière dont le corps apparaît dans les journaux. Et dans ce contexte-là, la direction de conscience et la confession, c'est des dispositifs très importants parce qu'au moment où les parents veulent prendre des renseignements sur d'autres familles pour marier leur fille ou leur fils à une autre famille, bah on n'a aucun moyen d'avoir une petite idée de la santé, des capacités reproductives d'une personne. Sans avoir des informations particulièrement intimes qui ne circulent que par ce biais-là. Donc là où le directeur de conscience il est en difficulté, c'est peut-être pas tant quand il est amoureux de sa pénitente, parce qu'à mon avis c'est quand même relativement rare, c'est plutôt quand il se retrouve dans une situation où les familles essaient de faire pression pour avoir des informations sur le corps des jeunes hommes et des jeunes femmes des autres familles. Parce que moi dans mes correspondances j'ai beaucoup de lettres où on nous dit « Bon alors, est-ce que vous la trouvez saine, cette jeune femme? Est-ce qu'il y a des problèmes héréditaires dans la famille? Est-ce que vous savez des choses ?» Et là, l'immense difficulté pour le directeur, c'est qu'il est censé être tenu au secret. Donc comment faire pour faire passer des informations sans trahir le... D'autant qu'ils sont directeurs souvent de conscience d'une jeune fille, mais aussi des autres membres de cette même famille. La mère, le père parfois, le frère. Et donc d'une certaine façon, ils sont garants de la totalité des secrets, entre guillemets, de toute une famille qu'il ne faut pas faire percoler avec les autres secrets de cette même famille. Exactement, hein, puisque la direction de conscience, ça fonctionne en réseau. Hein, donc on a quelques très grandes figures et on va essayer d'avoir le même directeur prestigieux que la famille d'à côté, etc. Et la grande difficulté, voilà, c'est pour les directeurs, c'est de choisir quelle information on va pouvoir diffuser sous quelle forme. Mais en tout cas, je pense que ça a dû circuler parce qu'étant donné le nombre de lettres qui traitent de demandes de renseignements sur les corps, je pense qu'à un moment, les directeurs ont pu faire filtrer un certain nombre d'informations. C'est vrai, Nathan. En tous les cas, sur cette question-là, justement, de la virginité, de l'hymen, quelles sont les différences qui vont se mettre en place, justement, au XIXe siècle entre le discours des religieux et celui, par exemple, des médecins, qui vient concurrencer, d'une certaine manière, le discours traditionnel, enfin, un peu moral, hein, de religieux, Caroline Muller. Alors, ça, c'est un énorme problème, parce que, en fait, du côté du discours médical, Pauline me coupera si je suis pas assez nuancée, mais on a une érotisation du mariage. C'est-à-dire que dans le couple, désormais, il faut pouvoir éprouver du plaisir, du désir pour son mari. La jeune femme qui n'éprouve pas. 19e siècle ? Non, à la fin. Et la jeune femme qui n'éprouve pas de désir ou de plaisir est fautive, est coupable, est malade. Et alors ça produit des attentes, en fait, chez les maris, qui attendent désormais... Et donc des angoisses. Donc moi, par exemple, j'ai des correspondances où le mari s'étonne de la passivité de sa jeune épouse. Et alors, là où il y a un très gros déphasage qui peut être douloureux, c'est qu'à l'inverse, le discours des directeurs de conscience, donc le discours de l'Église, est un discours sur la famille, n'est pas un discours sur le couple. Donc en réalité... on a d'un côté un discours qui va érotiser et puis de l'autre un discours qui va faire disparaître complètement cette question du couple. Débrouillez-vous avec ça. Donc ça produit des fossés énormes dans les couples. Oui, en fait. Pauline Martas. Dans les couples catholiques en tout cas. Effectivement, oui, c'est un vrai problème, cette question de l'écartèlement des jeunes filles entre des impératifs qui sont contraires. Mais le discours médical lui-même est parfois paradoxal puisque il est... très nettement imprégné de cette morale catholique pluriséculaire qui valorise la virginité. Et donc on ne s'en sort pas. Et évidemment, ça crée des pressions monstrueuses sur les individus, mais sur les hommes comme sur les femmes, en fait. D'autant qu'il y a d'autres discours qui sont en concurrence et qui vous ont servi, d'ailleurs, pour votre travail, Pauline Mortas. Les journaux, on en a déjà parlé, mais aussi le discours pornographique, dont vous dites que quand on s'y intéresse, ça permet de savoir... non pas ce qui se passe réellement, parce que c'est pas évidemment ce qui se passe réellement qui est raconté dans les livres pornographiques, mais c'est le fantasme justement de cette question de la défloration, de cette question d'être vierge, de cette question de la performance des hommes, par exemple, vis-à-vis de ces jeunes filles. Effectivement, les textes pornographiques permettent vraiment de mettre au jour le fait qu'il y a un imaginaire très fort dans la pornographie lié à la défloration et qui en fait vraiment... Une étape importante de la construction de la masculinité et de cette virilité. Voilà, enfin, c'est vraiment une sorte d'épreuve pour la masculinité qui peut à la fois la renforcer et complètement la détruire. Enfin, il y a des témoignages individuels qui témoignent de ces pressions sur ces normes de performance sexuelle, effectivement, qui sont très fortes. Et qu'est-ce qui... explique la naissance d'une figure dont on va entendre parler dans un instant avec une lecture d'Elsa Dupuis, la naissance au XIXe siècle de la figure de loi blanche, Pauline Mortas. Alors, donc la figure de loi blanche, c'est cette idée, cette métaphore qui renvoie justement à cette innocence totale des jeunes filles qui sont vraiment très naïves vis-à-vis de toute la physiologie auquel on apprend à ne pas se regarder nu, auquel on n'apprend absolument rien sur la sexualité. Et finalement, ce modèle, enfin, cette expression, du moins, je dirais, apparaît peut-être aussi dans un discours de dénonciation, justement, de cette ignorance qui, en fait, loin de préserver l'innocence des jeunes filles, les livre finalement... À des buts-torts. Voilà, exactement. Alexandre Dumas-Fils, L'ami des femmes, 1864. Une jeune fille de bonne maison, innocente et sentimentale comme il convient à une jeune fille chrétiennement élevée, s'est mariée par amour. Si le mot amour peut s'appliquer aux sentiments mêlés de sympathie, de curiosité, d'idéal et d'instinct charnel, qui pousse une jeune fille de 18 ans vers un beau jeune homme robuste, sain, que la continence momentanée a rendu éloquent. On signe le contrat, On va à la mairie, à l'église, on pleure, on s'embrasse et on livre cette jeune fille ignorante à ce jeune homme impatient. Au lieu d'initier l'épouse progressivement au mystère moitié céleste, moitié grossier que le dieu Hymen impose aux néophytes avant de leur permettre l'accès du sanctuaire, ce jeune homme ne voit qu'une chose. C'est qu'il a en son pouvoir ce qu'il n'a jamais eu jusqu'alors. Une vierge. C'est-à-dire un être clos qui contient des trésors inconnus et qu'il a le droit d'ouvrir et d'explorer. Le jeune homme éloquent, bien élevé, tendre, se transforme tout à coup. Là où la jeune fille rêvait un dieu rayonnant, elle voit sauter sur l'autel une sorte de bête velue et trépidante, balbutiant des sons rauques, affamée de sa chair, altérée de son sang. Ce n'est plus l'amour, c'est le viol. L'égal est consacré, mais c'est le viol, aussi repoussant dans sa forme que celui que la loi condamne, pour cette victime que rien n'a préparée à cette immolation de ses plus saintes pudeurs. Là, on voit bien Alexandre Dumas va très loin dans sa critique. Il parle de viol, tout simplement, et il accuse la société, finalement, de cautionner cet acte. Et on voit bien aussi qu'il met alors à la fois l'accent sur le traumatisme de la jeune fille, morale et physique, et puis sur l'éducation des garçons et des hommes, qui sont complètement... collés en tous les cas, qui, eux, veulent aussi correspondre à cette image de la virilité qui est sans cesse mise en avant dans la société de l'époque. Caroline Muller et Pauline Mortas. Caroline Muller. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait aussi que parfois, on a des nuits de noces qui sont retardées. Donc ça, Pauline Mortas en a vu aussi. Donc moi, par exemple, dans mes correspondances, je vois des jeunes gens qui décident finalement d'attendre quelques jours ou le lendemain, parce que ça produit une angoisse des deux côtés. Donc parfois, au moment de passer à l'acte, on retarde. Sur les différences éducatives, ce qu'on peut observer, c'est que les discours normatifs, ils tendent à réduire le fossé à partir de la fin du dernier tiers du 19e siècle, puisque il y a une angoisse nataliste, une angoisse sanitaire qui a trait au comportement des jeunes garçons qui vont avoir une sexualité prénuptiale, soit dans le cadre de la prostitution, soit dans le cadre de relations avec de jeunes femmes plus modestes. C'est la naissance de la peur panique, oui. Pourrait-on dire, de la syphilis en particulier. Peur panique, voilà. Et en fait, si on regarde de plus près les discours normatifs, donc les manuels de morale, etc., ben on voit bien qu'à partir du dernier tiers du 19e siècle, on voit naître un modèle de modération masculine, voire même un modèle de continence. Jusqu'au mariage. Donc, en fait, il y a une... C'est-à-dire que cette inégalité qui était pointée du doigt tout à l'heure par Pauline Mortas, à la fin du 19e siècle, vous ne la retrouvez pas dans les textes que vous avez pu consulter. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une sorte de... la balance serait un peu plus égalitaire entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, et on leur conseillerait à tous d'être continents. On leur conseille, mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre le conseil donné et une culture masculine qui intègre la découverte de la sexualité, parfois même dans des rites collectifs. Hein, donc, en tout cas, il y a une mutation des discours où la sexualité prénuptiale masculine était très largement tolérée, voire encouragée comme un rite de passage, un rite viril, jusqu'aux années 60. Dans le dernier tiers du 19e, si vous lisez les manuels, on a une insistance sur tous les dangers qui guettent les jeunes hommes si jamais ils ont des relations sexuelles avant leur mariage. Pauline Mortas. Effectivement, et je pense que cette question de l'expérience inégale des jeunes hommes et des jeunes femmes au niveau du mariage, ces conséquences funestes sont vraiment renforcées dans le discours sur la défloration, puisque c'est l'accession à la femme, à sa vie sexuelle, et ça va jouer un rôle vraiment crucial dans la manière dont sa vie sexuelle peut se passer ensuite. Et donc on a des discours qui tendent à dire que si le mari se comporte de manière violente ou brutale, on peut vraiment avoir des traumatismes durables, et ce qui va causer des troubles sexuels et des troubles dans l'entente du couple. Donc c'est vraiment un moment qui est érigé vraiment. Et ça, vous le trouvez à partir de quand, justement? Et ben dans cette phase, toujours du dernier tiers du siècle, à partir des années 80 à peu près. Et là, vous citez par exemple là Adrien Corriveau. Alors je ne sais plus s'il est médecin ou je crois dans votre. Oui, en tout cas, ça fait partie de tous ces gens qui se présente comme médecin sans forcément sans l'être, voilà, qui justement souligne les effets psychologiques donc que peut avoir une défloration aux allures de viol conjugal, disons-le, que la société autorise, et donc il attire l'attention sur les infections éventuelles que ça peut susciter, le vaginisme, et du coup il dit il vaudrait mieux s'occuper d'éviter tout de suite ce stress pour que justement ce vaginisme par exemple n'existe pas. Puis alors après on verra avec la psychanalyse et Freud au début du XXe siècle, bon bah là il y aura de nouveau une remise en cause évidemment des raisons du vaginisme, en l'occurrence Pauline Mortas. Oui c'est tout à fait vrai, et en fait on sent déjà dans ces textes en germe cette réflexion de type psychanalytique qui est bien présente en fait chez ces auteurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle, sur cette idée qu'un traumatisme peut avoir des conséquences physiques en fait sur la sexualité. Et donc cette pédagogie de l'ignorance, voilà, est remise en cause, on le comprend, à la fin de ce 19e siècle, et notamment, et peut-être qu'on en reparlera après, du fait aussi, voilà, au moment de la Troisième République, de l'éducation des filles, et pas seulement, pas de l'éducation sexuelle encore, vraiment, mais de l'éducation scolaire des filles, hein, puisque les premiers lycées sont créés en 1980, qui dit éducation, dit aussi ouverture d'esprit, et ces filles, elles vont pouvoir aussi se renseigner seule sur ce qui concerne la sexualité, par exemple, Caroline Muller. Oui, alors je voulais juste revenir un instant sur ce que disait Pauline. C'est d'autant plus important que la nuit de noces se passe bien qu'on commence à lier le plaisir féminin à la capacité reproductive. Donc en plus, menacer le corps et le plaisir d'une jeune épouse, c'est éventuellement menacer ensuite la lignée familiale et les futurs enfants. Alors en plus ou en premier? Je serais curieuse. Ah ouais, non, parce que du coup, là, on comprend effectivement qu'il y a danger, là. Bah, l'enjeu, de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours la maternité. Après, sur cette question de la chronologie, à mon avis, on peut tracer une sorte de ligne. Il y a un silence qui s'épaissit beaucoup dans les années 50. On a des jeunes femmes qui vivent extrêmement mal leur nuit de noces sur les 15-20 années qui suivent. Et puis, c'est ces jeunes femmes-là qui sont devenues des femmes, des épouses, parfois même des femmes de lettres. On va entendre tout à l'heure la vicomtesse d'Adhéma. Bah, c'est elles qui prennent le relais d'un discours qui critique et qui invite à réfléchir aux conséquences et éventuellement à poser les jalons d'une première éducation des jeunes femmes avant le mariage. Alors, présentez-nous justement cette vicomtesse d'Adhéma dont Elsa Dupuis va nous lire un texte que vous avez choisi pour nous, Caroline Muller. Alors, la vicomtesse d'Adhéma, c'est une des dirigées donc que j'ai croisé dans mon corpus de thèse. Il y a donc un directeur de conscience qui s'appelle l'abbé Frémont, qui est plutôt, disons, progressiste, si je peux utiliser ce mot-là. Enfin, en tout cas, il l'incite à écrire, c'est-à-dire qu'il ne lui interdit pas l'activité d'écriture. Et puis, la préoccupation de la vicomtesse d'Adhéma, c'est de rénover l'éducation des jeunes femmes. Elle a elle-même 4 filles. Elle est extrêmement inquiète de l'avenir de ses filles et notamment de leur mariage. Et donc au moment où elle se rend compte de toutes les difficultés que peuvent avoir ses filles, elle décide d'écrire un ouvrage prônant l'éducation des jeunes femmes avant le mariage. Et donc c'est un des apports de votre travail de thèse, en l'occurrence. On découvre des catholiques qui prônent l'éducation sexuelle. C'est le cas donc de la vicomtesse d'Adhéma avec cette nouvelle éducation de la femme dans les classes cultivées par la vicomtesse d'Adhéma en 1896. Ne faut-il pas voir dans le prude ostracisme qui inspire les maîtres de l'opinion publique un retour personnel assez mal dissimulé et peu intéressant? Est-ce le vrai souci de l'innocence féminine qui inspire les hommes, ou bien la secrète prétention d'exercer un jour dans le mariage une liberté sans entrave? L'irréligion et le sensualisme ne combattent-ils pas ici, plutôt que les respectables scrupules? Quand l'homme ne veut pas d'une femme noblement éclairée, est-ce vraiment parce qu'il croit l'innocence incompatible avec la connaissance, ou bien parce qu'il redoute chez cette femme, précisément dans la connaissance, une gardienne de la pureté conjugale? Est-ce l'amour du bien ou l'attrait du mal qui combat en lui? Sont-ce les intérêts de la vertu ou ceux du vice? L'omnipotence masculine n'obéit-elle pas aux passions plutôt qu'à la conscience lorsqu'elle vise au souverain pontifical? Hier, le mari accueillit l'épouse vierge, innocente, ignorante même, telle qu'il la souhaitait. Ne veut-il pas en faire demain presque une courtisane? Je sais que j'aborde ici un sujet de feu. Entrons néanmoins dans le buisson ardent. Dieu y dira sa loi, ses droits et nos devoirs. Livrée au mari, la jeune fille dite innocente et ignorante de ses principes directeurs qu'elle n'a pas été préparée à appliquer au mariage, croit alors par une expérience menteuse que le mariage est l'ouverture consacrée d'une vie nouvelle dans laquelle les sens priment légalement. Abandonnée sans aucune sauvegarde aux écarts corrupteurs, si elle ne trouve pas toujours dans le mariage une école de vertu, elle n'y rencontre pas plus sûrement une école de fidélité. Quand la dépravation mal contagieuse a fait son œuvre, ne vous flattez pas, ô maris imprudents, car d'autres que vous en seront aussi les complices. Le sensualisme éveillé est le plus dangereux des tentateurs. Et lorsque vous souhaitez l'ignorance chez vos femmes pour accomplir aisément je ne sais quel dessein égoïste ou pervers, vous leur apprenez le mépris du respect qui vous est dû, en méprisant vous-même le respect que vous leur devez. En voilà un texte intéressant, comme d'ailleurs tous les autres que nous avons écoutés aujourd'hui, dans le débat que nous avons ces temps-ci autour de la question du rapport des hommes et des femmes, du harcèlement en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, on se dit, voilà la vicomtesse d'Adhémar, catholique, sur la même longueur d'onde qu'Alexandre Dumas-fils quelques années plus tôt. Et là, on est très étonnés, Caroline Muller. Oui, alors effectivement, moi ce texte, il m'a fait sursauter parce que c'est une charge extrêmement violente contre les hommes et extrêmement explicite. Alors ce livre, il a fait scandale, hein. Ça a défrayé la chronique, il y a eu toutes sortes de discussions. Elle dit même que ses filles, les confesseurs de ses filles, disputent ses filles. On a une discussion énorme autour de ce livre. 1896. Voilà. Et donc là où je trouve que la vicomtesse d'Adhémar a une analyse intéressante, c'est qu'elle décale le regard. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur une sorte de moralisme sans acteur, entre guillemets, elle va prêter des mauvaises intentions au mari en les accusant d'utiliser et de détourner l'innocence des jeunes femmes pour leur propre plaisir et pour abuser de cette innocence. Donc on retrouve quand même la question morale, parce que pour elle, éduquer les jeunes filles, ça permet de lutter contre l'immoralisme des maris. Donc la logique, elle est quand même morale derrière. Hein. Et la dernière chose que je trouve intéressante, c'est l'argumentaire. Alors là, c'est pas dans le texte, mais on l'accuse très vite d'être elle-même immorale, de vouloir parler, d'aborder ces choses-là avec les jeunes filles. Elle répond que, après tout, la Vierge Marie... elle-même savait bien comment fonctionnait la reproduction, puisqu'au moment où l'ange lui annonce sa grossesse, elle lui explique que c'est impossible parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. C'est Rignata. Et la question des mères, Caroline Muller, parce que justement, on comprend bien que tout au long de ce 19e siècle, les mères cautionnent aussi ce système. Enfin, elles-mêmes ont été éduquées dans ce système-là, c'est-à-dire ne rien dire, cette pédagogie de l'ignorance. Et donc, la vicomtesse d'Adhémar, mais d'autres aussi, demandent justement, d'une certaine manière, de changer cette transmission de mère en fille. Oui, alors là, on peut en rester à des hypothèses, mais dans le cas de la comtesse d'Adhémar, très clairement, il y a un lien entre son expérience personnelle et la manière dont elle veut protéger ses propres filles. Donc elle a eu 4 enfants sur les 4 premières années de son mariage, et on a tout un tas de passages où elle exige la chasteté des jeunes hommes. Donc à mon avis aussi, la contestation de la fin du 19e, elle vient aussi de ces femmes qui ont vécu l'apogée de ce modèle de loi blanche et qui n'en veulent pas pour leurs propres enfants. Mais ça, moi j'en suis au stade d'hypothèse. Pauline Mortas. Enfin, en tout cas, on le croise parfois dans des romans, parfois dans des témoignages aussi. J'ai en mémoire une lettre adressée à Simone de Beauvoir d'une jeune fille d'une jeune femme qui dit, on n'est plus à l'époque de nos mères et effectivement c'est quelque chose qui est en passe d'évoluer. Alors on a peu de sources pour l'appuyer vraiment, mais en tout cas, dans les romans, on a cette opposition entre les jeunes filles qui disent à leur mère « Bon, écoute, maman, arrête de t'embarrasser, je sais ce qui va se passer pendant la nuit de noces. » Parce qu'il y a toujours cette scène un peu topique de, juste avant la nuit de noces, la mère qui vient glisser quelques conseils, toujours très discrets, mais renseigner un peu sa fille. Et on voit que les mères sont plus dans l'embarras que les filles dans ces romans. De la fin du 19e siècle. Ce qui prouve bien, et c'est ce que on découvre, moi, en tout cas, j'ai découvert en vous lisant toutes les deux, Caroline Muller et Pauline Mortas, que vraiment, comme on le disait au début, le 19e siècle vit une évolution dans ce domaine-là. Même s'il y a naissance d'un discours sur la défloration, un discours médical très différent de ce qu'il était auparavant, comme vous avez pu le montrer, Pauline Mortas, il y a une évolution tout au long du 19e siècle, ce qui fait que les jeunes filles de 1900 ou 1910 ne sont pas les mêmes que les jeunes filles de 1800 ou de 1810. Tout à fait. Pour autant, effectivement, cette apparition d'une éducation sexuelle, on voit qu'elle n'est pas encore destinée à l'épanouissement du plaisir féminin ou ce genre de choses. On est vraiment dans des problématiques qui sont encore très prophylactiques. Il s'agit d'éviter la transmission des maladies sexuelles. Il s'agit de favoriser la procréation, enfin la reproduction. On n'est pas... Enfin, il faut quand même nuancer ça. On n'est pas encore dans une libération. Mon corps est à moi, c'est pas encore ce moment-là. Séverine, et puisqu'on parlait, enfin, lundi, dans notre émission, de la question du nom d'épouse, du nom de la jeune fille et du rôle des féministes, est-ce que vous percevez, alors même si les féministes de cette période, c'est peut-être pas leur premier combat, mais bon, certaines, en tous les cas, revendiquent de ne pas se marier, d'avoir une relation égalitaire. Je parle des féministes, hein, avec leurs compagnons, souvent des intellectuels. Est-ce que vous avez perçu, voilà, est-ce qu'il y a des discours quand même, alors peut-être confinés dans les journaux militants de l'époque, hein, je pense à La Fronde, par exemple, sur justement cette question de l'éducation sexuelle des jeunes filles. Oui, alors ce que je trouve très intéressant dans les journaux, c'est la manière dont on va envisager une vie sans sexualité. Donc par exemple, le fait que la carrière religieuse ou le fait d'être une sœur de charité, etc., apparaît comme une voie tout à fait envisageable pour éviter le mariage. Donc ça, c'est systématique. Hein. Donc, j'ai lu une quinzaine de journaux et on trouve systématiquement dans les années qui précèdent le mariage l'idée que pourquoi pas, parce que ça permet de rester prête chez ses parents, à côté de chez ses parents éventuellement. Et puis surtout, ça permet d'éviter de cette dépossession, et notamment cette dépossession du corps. Après, sur la question des féminismes, c'est vrai que c'est justement l'accusation qui est faite, par exemple, à la vicomtesse d'Adhémar, d'être féministe dans le mauvais sens du terme, et de, entre guillemets, bien sûr, pour l'époque, et de rejoindre les féminismes honnis par son milieu catholique, en fait. Alors, on n'aura pas eu le temps de tout aborder. J'avais été passionné par vos deux textes. En l'occurrence, Caroline Muller, on espère qu'il sera publié un jour. Vous êtes déjà en train d'y travailler? Oui, oui, on y réfléchit. Voilà, donc votre thèse sur les directeurs de conscience au XIXe siècle. Pour votre part, c'est déjà fait, Pauline Mortas, avec cette très belle publication aux presses universitaires de Rennes dans la collection Mnemosyne, puisque vous avez reçu le prix, justement, Mnemosyne sur l'histoire des femmes et du genre, Une rose épineuse, la défloration en France au XIXe siècle, avec une préface de Dominique Khalifa. J'aurais bien voulu parler aussi du rapport de la défloration aux femmes entre elles, parce que c'est abordé dans votre travail. Peut-on parler de la défloration, de la défloration entre femmes? On en parlera peut-être un autre jour. En tout cas, c'est très intéressant que de vous avoir lu toutes les deux pour préparer cette émission. On se retrouve demain, Séverine. Sur les femmes rebelles. Les jeunes filles rebelles. Les jeunes filles rebelles, mais qui, voilà, ça se passe mal pour elles, même, voilà, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Les textes étaient lus aujourd'hui par Elsa Dupuis, que nous remercions. Francesca Fossati et Aurélie Mercier ont préparé cette émission. Bruno Gagnère-Fontanier était avec nous et a assuré la technique de cette émission et la réalisation. Séverine Cassard.